Je ne fréquente pas la mafia. Je veux être très clair avec ça. Je ne fréquente pas la mafia. Et je ne suis pas peur de eux. Rencontrer le premier ministre Harper, mais c'est normal puisqu'il est pas mal plus brillant qu'un gagnant d'Occupation Double. Voici votre animateur, Jean-Philippe Bavou! Oh, oh, yeah! Merci. Merci Fred, des beaux compliments ça. Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous donner amplement le temps de se remettre du premier match du Canadien de Montréal qui va être joué demain. Hein? Fred, ça va, bonsoir. Wow! Qui c'est qui vient de compter? Je suis tellement excité. C'est malade! Là. Hey, on est-tu excité? On est pas excité un peu? Tabarouette. Moi, je lâcherais chaud là. Je dormirais jusqu'au temps que le match commence. Écoute, j'ai tellement hâte. Non, non, non, mais ça, la nouvelle Ligue nationale. Hey, ça va être quelque chose, ça? Ça va être quoi exactement? C'est ça. Écoute, bon, là, tu m'embêtes un peu là, avec cette question-là. Ben, moins de matchs, tout d'abord. Moins de matchs, billets plus chers. Ah, ben, hein? C'est cool, c'est et, fun. Pas de Scott Gomez. Fait que je veux dire, regarde, c'est malade, là. Non, non, je vous le dis, ça va être tellement être bon, là. Ça va être quasiment aussi bon hein, que la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Hey, ça, c'est bon! Ben oui, on fait un premier débat cette semaine! L'avez-vous écouté? Ah, c'était... Hey, wow. C'était écœurant. Ah ouais, ouais. Ben, en même temps, débat au Parti libéral, ouais. C'est vite dit. C'est plus une discussion au Parti libéral. Là, un chit-chat comme un café. Hein? Des gens qui s'entendent pas mal sur les mêmes affaires. Mais bon, on a appris quand même des choses. On a appris d'ailleurs que le français était en pleine santé à Montréal. D'ailleurs, on l'a entendu avec notre maire Applebaum. Regarde! Et je suis d'accord avec lui, hein? Oui. Ouais, le mafia... Hein? « Ne suis, me fais pas peur ». Ben, c'est pas facile à faire, là. Hey, regarde. Non, non, le français est en pleine santé, mais il faut pas se couper du reste du monde. Ça, c'est clair. Ah non? Ouais. Et en fait, il faut commencer toutes nos phrases en disant « Hi ». Ah! Et ça, ben oui, ça fait moins tribu. C'est Pierre Moreau qui nous l'a appris dans le débat. Vous l'avez pas écouté le débat, on dirait. Hein? C'est bizarre. Ouais, ben d'ailleurs, parlant de Moreau, il paraît que c'est pas fait beaucoup d'amis dans les cégeps. Hein? Non, ça, c'est sûr. Je sais pas si vous avez entendu, il veut abolir les cégeps. Et la raison principale, c'est parce que ben, il y en a pas dans le reste du Canada. Ouais, mais là, à ce compte-là. À ce compte-là, il faudrait aussi abolir le Parti libéral. Il n'y en a plus dans les autres provinces non plus. Ah, là, Fred, non, non. OK, OK, c'est vrai que les libéraux hein, sont comme en voie d'extinction, mais pas au fédéral. Ah? Parce qu'au fédéral, là, écoute, ça explose, là. C'est extraordinaire. C'est Martin Cochon. Écoute! Ah, ben, c'est-tu 2-0? Ah, oui. C'est donc bien le fun, cette game-là. Qui c'est qui a compté? C'est le petit Galchenyuk? Arrête, ils vont en bas, mon Dieu. Hey, ça fait du bien d'avoir du hockey. Non, mais ce que je disais, c'est que... renouveau. Hein? Ah oui, le renouveau du hockey, c'est ça. Ah oui, renouveau du Parti libéral. Ah, c'est ça qu'on disait. Martin Cochon, donc, qui est devenu le 9e candidat à la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Comment? Et le 8e qui n'a aucune chance contre Justin Trudeau. Fred, franchement. Mais de toute façon, là, c'est pas sérieux, un premier ministre qui s'appelle Cochon. Pour vrai, là. Hein? L'humour social qu'on fait ici. Ouais, ouais, bon. Non, non, mais coche, monsieur le premier ministre Cochon, t'as un Poutine dans Gaillard. Je veux dire, ouais, on donc. Non, mais ça va être quand même un qui risque d'avoir besoin d'assurance chômage là, quand le débat va être fini. Ouais, là. Mais bonne chance pour les prestations. Ben oui, parce que je veux dire, avec la réforme du Parti conservateur, bon, là, je dis réforme de l'assurance chômage. Écoutez, j'ai écouté la ministre Diane Finlay, hein, qui dit que c'est pas une réforme, en fait, c'est un resserrement des règles qui va profiter à tous les Canadiens. Et je pense que c'est vrai, hein. Oui. Maxime Bernier l'a dit cette semaine, le chômage n'est pas un hamac. Et ça, j'ai appris ça, moi. Non, mais je savais pas. Ça fait 5 ans, moi, que je dors sur un chômage sur mon balcon. Ah ouais, hein? Ben, je peux-tu dire que c'est pas confortant? Ça fait des raideurs. Ben ouais, des raideurs au niveau de la... En tout cas, ben regarde, moi, j'ai... Ben, écouté, Maxime Bernier non plus, il est pas un hamac, hein? Non, il est pas reposant. Il est pas reposant. Faut pas se coucher dessus. Alors, en même temps, ça faudrait demander à la madame. Ben, ah, mon Dieu! 3-0! Elle se passe où, cette game-là, Fred? Dans ma tête. Ah ouais. Non, mais paraît-il que Maxime Bernier, c'est lui qui a proposé à Stephen Harper de rencontrer les deux gagnants d'Occupation Double. Hein? C'est lui qui a fait ça. Ouais. Je connais pas ça, ce mouvement-là. C'est quoi? Occupy quoi? Occupy Double. Occupy Double. Ouais. C'est des gens qui occupent la place publique pour faire la promotion d'être épais. Ah! Et puis ça... Ça fonctionne super bien. Ah ouais. Ouais. T'as un mouvement qui se répand, d'ailleurs. Franchement. Non, mais parlant de se répandre, je sais pas si vous connaissez Adrien Pouliot, hein, qui veut... Non. Ben ouais, c'est ça. Il veut devenir chef d'un parti conservateur du Québec plus fort. On a appris ça cette semaine. Un autre parti qui va venir diviser le vote de la droite. Ah non, faut pas s'inquiéter avec ça. C'est très embryonnaire. Je pense que les partis de droite du Québec n'ont pas à avoir peur, là, que ce soit le PLQ, la CAQ ou le PQ. Il n'y a pas de stress là. les partis de droite vont continuer à prospérer. Parlant de droite, il y a l'Institut Fraser qui a publié récemment, d'ailleurs, une étude qui démontre que le système de santé, tenez-vous bien, là, le système de santé québécois est le plus performant au Canada. Ah bon, ouais. Voyons donc. C'est quoi les critères? En fait, il paraît que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Hein? Ouais. En fait, c'est qu'au Québec, on dépense moins en santé, mais au Québec, on dépense le moins, le mieux. Ah, wow! Ouais. C'est trippant. C'est ce qu'on appelle briller parmi les plus pires. Oui, oui. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, t'attends moins longtemps avant de mourir dans un couloir vert pastel de qualité. Ah. Mais c'est un beau, là, c'est du semi-gloss qu'il appelle. Ah, c'est ça qu'il appelle mourir dans la semi-lustrée? C'est ça, Fred. C'était plus drôle quand on la pratiquait, là. Bon, on est des gros fans de peinture, okay, nous autres, en Jean, même temps. Tu prends des notes au montage, là. Enfin, non, parlant de ça, je sais pas si vous avez vu la nouvelle publicité de la NRA qui parlait, en fait, des filles de Barack Obama. Je sais, vous avez sûrement vu ça cette semaine. Franchement, oui. Ça donne envie d'avoir un fusil d'assaut à plus de 10 balles. Oui, mais il y a 4 millions de membres de la NRA. Ça va en prendre pas mal, des chargeurs de 10 balles, Fred. On a une émission aussi très chargée ce soir. Quel jeu de mots de mauvais goût. Ah, je le sais. Franchement. On a une émission très chargée ce soir. Oui. On reçoit tout d'abord Yves-François Blanchet, ministre de l'Environnement. Enfin, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a deux salaires ou qu'il y a des bouteilles vides dans son sous-sol. Ah ouais. Ce qui ne serait tardé. On imagine bien. On reçoit également Léopold Lauzon. Hein? Oui, l'humoriste Léopold Lauzon. Ah ouais, mais il n'est pas comptable à l'UQAM, lui. Ben, je pense que quand t'es comptable à l'UQAM, vaut mieux faire des jokes avec ça si tu veux être pris au sérieux. Ah, on va profiter pour lui demander ce qu'il ferait avec l'îlot voyageur. Ben, c'est ça. Ça, c'est une bonne blague, d'ailleurs. On a le temps, Fred, parce que la soirée est encore jeune! Olivier Niquette, bonsoir. Oui, salut. L'Internet. Ben oui, les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée. T'es encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront lire Guy Fournier qui compare Radio-Canada à un avion en folie. Ah. Un Boeing 787, j'imagine. Ben oui, on imagine. Grosse semaine d'actualité. Ah ouais. Grosse semaine d'actualité. C'est fou tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler. Ben, des nombreuses mises à pied au Cirque du Soleil. Hey, ça va pas bien au Cirque du Soleil. J'ai toujours dit, un cirque pas d'animaux, ça peut pas marcher. Ben, vous aviez raison, Fred. Ouais. Hein? Ça a jamais levé, le Cirque du Soleil. Ça va lever. Ça a jamais levé, puis ça tombe. Oui, ou non. Ah, regarde les Shriners, là. Ça marche. Ah ben oui, tu mets un chapeau sur un ours, ça pogne tout le temps, cette affaire-là. Merci, Fred. C'est vrai que ça pogne. La rencontre de Stephen Harper et des deux gagnants d'Occupation Double mercredi a fait beaucoup jaser. Hein, d'abord sur les réseaux sociaux, où on a senti une certaine indignation. Les médias traditionnels ont pris le relais par la suite, mais ça n'a pas cessé depuis. Hein, et la soirée est encore jeune. On s'est penché sur les raisons qui ont poussé notre premier ministre à rencontrer les deux fleurons de la culture québécoise. Et ça nous a inspiré notre palmarès de la semaine. Alors, voici les 5 raisons pour lesquelles le premier ministre voudrait rencontrer les gagnants d'Occupation Double. En 5e position, enfin 2 personnes qui vont croire tout ce qu'on leur raconte sur la guerre de 1812. Ah, pareil, la fille a dit « Ah, c'est magique, ce gars-là! » C'est vrai, mais ça a de l'air magique. Enfin, en 4e position, parce qu'il pensait que c'était elle, la grosse madame, qui faisait une grève de la faim. Ouais. Ben non, ça marche pas. Mais si, non! Si c'était des Amérindiens, il y aurait jamais rencontré ben ces non, gens-là. Ben on le sait très bien. En 3e position, pour voir s'il y avait au Québec 2 personnes plus allumées que Maxime Bernier. Finalement? Non. En 2e position, parce qu'il cherchait des candidats de meilleure qualité pour le Québec que Christian Paradis. Finalement? Non. Et hop! Ah, oh, toujours drôle, hein? Oui. Et en 1ère position, pour enfin voir de visu 2 saucisses géantes qui n'éclaboussent pas. Ah! Ouais. Oui, il avait fait des recherches subventionnées pour inventer une saucisse. Ça n'éclaboussait pas. Ben, plus ou moins, Fred, parce qu'il paraît qu'un des 2 saucisses éclabousse si on s'y prend bien. Ah! Numéro social. Oui, mais c'est pas pour rien qu'André a gagné. Fred, notre premier invité. Après un court passage comme whip du Parti québécois, il est maintenant ministre de l'Environnement, mais son fouet pourrait encore lui servir. Voici M. Yves-François Blanchet. Monsieur Blanchet, monsieur le ministre, en fait. Oui. Ben, maintenant c'est clair. C'est monsieur le ministre et je suis très déçu que tu ne portes pas la cravate. Ça compromet le vouvoiement. J'avoue que j'étais tellement habitué Yves-François Blanchet. Je me disais, bon, ça va être chummy, il est déjà venu. Mais là, j'ai complètement oublié que vous étiez ministre de l'Environnement. Parce qu'on vous a reçu en juillet, juste avant la campagne électorale, d'ailleurs. Hein? Mm-hmm. Et là, vous étiez député de Johnson. Mais à l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde qui voulait venir, donc on acceptait un peu n'importe qui. C'est tout à fait normal. Là, et là, vous êtes de nouveau en panne, il vous manque un peu des gens. Non, mais là, vous êtes ministre de l'Environnement. Oui. Hey, là, c'est plus rien. Vous l'êtes encore, ministre de l'Environnement, toujours. Dernière nouvelle. Ouais. Oui. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de recherche de fait dans les garde-robes. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Parce que là, ils ne savent pas s'ils trouveraient des bouteilles ou des garde-robes. Ou des squelettes. Avez-vous des garde-robes? J'ai quelques garde-robes. Est-ce qu'il y a des squelettes dans ces garde-robes-là? À ma connaissance, il n'y en a pas. Parce que tout ce qu'il y avait à fouiller avait déjà été fouillé. Ben oui, c'est ça. On en a même parlé, nous. Non, ça en est plate. Ben oui, c'est ça. Vous n'avez pas deux salaires? Non, pas deux salaires. J'ai un très, très modeste revenu de droit d'auteur pour avoir discrètement contribué à des chansons jadis. Chansons de qui? De quelqu'un qui chantait. Ah! Je ne vous le pas dans le détail parce que je le faisais sous un pseudonyme. Ah, c'est Roger. C'est vous, Roger Tabra! Non, parce que là, il y aurait peut-être quelques bouteilles dans mes garde-robes. Ouais, ah, c'est ça. Oh! Non, mais là, bon, écoutez, il s'est passé plein de choses au PQ pendant l'automne. Là, maintenant, vous êtes devenu ministre de l'Environnement. Vous n'aviez pas été nommé à prime abord. Vous étiez ministre responsable du Centre du Québec et de la Mauricie. C'est encore votre responsabilité? C'est encore vrai aussi. Ah, vous avez des gros journées. Écoute, ça fait, en tout cas, c'est longtemps sur la même fonction. Ben, c'est, ça fait quasiment trois semaines. J'ai un malaise. C'est ça. Mais là... Il y a les fêtes là-dedans, donc peut-être que ça comptait pas. Ça, l'environnement pendant les fêtes, donc j'ai un vrai trois semaines. Ah ouais, non. C'est donc, trois semaines solides. Ben, c'est le fun. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes meilleur que Breton? Assurément pas. Il était meilleur que vous? Ben, vous êtes comme le plan B? En fait, c'est qu'on est... Ah, ça, c'est peut-être une manière intéressante de le voir. Je vais y penser en pleurant devant mon miroir. Mais, mais donc, on est différents, assurément, mais on est proches collaborateurs. Là. Il n'est pas question, avec beaucoup de sérieux, il n'est pas question que j'aborde cette fonction-là sans avoir comme parmi les plus proches collaborateurs Daniel. Là. Que vous êtes la marionnette de Daniel Breton? Je pose la question. Ça m'étonnerait parce que le style est assez différent quand même. C'est drôle parce que les éditorialistes ont tous dit, ou à peu près, que vous, il y avait une certaine parenté de caractère entre Daniel Breton et Yves-François Blanchet. Est-ce que c'est un compliment? Je ne le sais pas, mais c'est ce qu'ils ont dit quand même. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Je dirais que les commentaires sur mon tempérament sont un peu surfaits. Arrêtez donc. Je suis une personne très, très douce. Mais non, je ne pogne jamais une nerf. Ben comment c'est qu'on entend dire des choses comme ça? Ben, ça doit avoir servi le commerce d'un média quelconque. Mais certainement pas nous, on est un service public. Non, mais je ne sais pas. On peut avoir... Non, vous autres, vous êtes d'une objectivité absolue. Personne n'oserait mettre ça en doute. Là. C'est vrai qu'on est un objectif. C'est malade. C'est fou. Surtout votre émission. Ben non, tout à fait. C'est un paragon d'objectivité ici. Tout à fait. Regardez Radio-Canada, il n'y a jamais de problème. Je suis d'un tempérament très affable. Ça ne veut pas dire que les idées ne peuvent pas être parfois tranchantes. Ouais. Donc, les similitudes entre vous deux sont assez rares. Vous avez pas de, vous cochonnez pas votre maison ou comme M. Breton? Ben non, mais moi je lis les journaux, là, les journaux qui sont subjectifs. C'est justement, je vais répondre en mentionnant que les journaux sont subjectifs. Ben justement, vous parliez de votre entourage, parce qu'il y a des gens qui ont dit, ben justement, M. Breton est un militant environnemental. Mm-hmm. Votre rapport avec l'environnement, c'est quoi? Je dirais qu'a priori, bon, j'avais certaines racines là, pareil, parce que j'ai été président. En fait, j'ai démissionné de la présidence du Jour de la Terre pour être candidat, donc quand même... Il y a un lien. Il y a un certain lien. Cela dit, souvent, quand on nomme une personne dans un ministère, ce n'est pas parce qu'elle a des antécédents ou des compétences spécifiques c'est dans ça qui est plate, ce milieu-là. Souvent. En fait, c'est que ça... Non, c'est que tu évites que les gens arrivent avec un agenda ou avec des idées toutes faites. Ouais, ouais. Donc, mais ça, c'est une philosophie politique. Il y en a d'autres. Mme Marois n'a pas eu peur de mettre des gens dans des, dans des domaines où ils avaient effectivement une compétence avérée et une capacité d'intervenir plus rapidement. Mais là, vous arrivez dans un ministère où vous avez inévitablement moins de contacts que M. Breton. Est-ce que vous avez les numéros de téléphone des gens du BAP comme lui? En fait, je pense que je pourrais les trouver. Oui. Et là, je suis encore en hésitation entre éviter aimablement ou dire « je me ferai pas faire ça, puis moi y aller direct ». Dans les faits, je pense que les circonstances vont nous amener à nous rencontrer. Il y a des mandats qui vont leur être confiés, puis on va faire ça. Je sais pas si je vais rencontrer les gens du BAP. Les gens du BAP, c'est des êtres humains comme les autres. Hein? c'est ce qu'on peut-être, dit. C'est peut-être une bonne raison pour pas les rencontrer dans un bar. Là, évidemment, je reviens encore avec cet entourage. On se pose la question, qu'est-ce que ça prend pour être un bon ministre de l'Environnement aujourd'hui? Parce que on a beaucoup parlé des gaz de schiste, par exemple. On en parle encore pas mal. Ah, vous trouvez? Dans ma région. On a viré à gauche, on a viré à droite, on savait pas trop quoi faire, on y allait, on reculait. Là, vous arrivez avec une pile de dossiers à gérer là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour être capable de prendre la bonne décision, surtout dans ce dossier-là? Ce que j'essaie de faire, moi, et de façon aussi déterminée que possible, c'est que je ne veux pas prendre les décisions sur des bases strictement d'actualité politique. Donc, je veux avoir les fondements scientifiques. Quand tu es dans l'opposition, tu es dans un rôle de militant. Donc, tu es plus vindicatif, tu es plus frondeur, tu cours après les médias. Quand tu es au gouvernement, chaque mot que tu prononces, chaque geste que tu poses change concrètement et immédiatement la vie des gens. C'est des responsabilités très différentes, puis je veux m'appuyer sur des données scientifiques puis sur des données économiques. Cela dit, il n'y a pas de recul de quelque façon que ce soit sur ce qu'est notre position en matière de gaz de schiste, mais lorsque ça va être mis de l'avant, ça va être structuré, ça va être articulé. Bien justement, vous avez tweeté « Rien ne milite présentement pour le gaz de schiste, pas même l'économie ». Ça, c'est scientifique, ça? On a attendu les deux? Parce que En fait, c'est que les cours du gaz à l'échelle continentale sont tellement faibles que même les sociétés gazières n'ont pas d'intérêt réel à court terme à exploiter le gaz de schiste sur le territoire. Ben là, je pense qu'on va changer de sujet parce que je vois mon public qui boit de la bière sans cesse. J'ai l'impression que c'est un signe. C'est pas bon signe, ouais, non, c'est ça. C'est pas bon signe. Un des derniers dossiers qui m'intéresse, évidemment, c'est que on a appris que le Canada se retirait de Kyoto. Mm-hmm. Vous êtes ministre de l'Environnement au Québec. Mm-hmm. C'est quoi les pouvoirs du Québec? Quels sont les pouvoirs du Québec quand un pays comme ça décide de se retirer d'un mouvement? Une des premières obligations, c'est de mentionner aux gens qu'un Québec souverain serait dans Kyoto. Supposons qu'une fois ça, c'était fait après ça. Il faudrait que tu précises la question parce que quels sont les pouvoirs du Québec actuellement? Présentement, nous, on prend nos responsabilités. D'abord, on a fixé l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à 25%, ce qui est extraordinairement ambitieux. Mais on peut faire ça au Québec même si le Canada... Oui, justement, on a le droit de prendre nos propres mesures, de mettre de l'avant nos propres mesures. D'ailleurs, il y a deux États en Amérique qui ont signé une entente de collaboration sur la bourse du carbone, c'est la Californie et le Québec. La semaine dernière, on vous faisait entendre une publicité calquée sur celle d'Oxfam Québec, inspirée des propos de Don Cherry sur Haïti. À la demande générale, revoici notre André Sauvé. C'est Olivier qui fait André Sauvé. Notre André Sauvé Maison qui vient maintenant à la défense d'un organisme canadien qui en a bien besoin. On écoute. Attention, je suis religieux. Depuis que je suis allé au Burkina Faso avec l'ACDI, je vais vous faire une confession, là. J'ai attrapé un méchant plaisir d'aider. Tout ça avec ce que j'ai vu là-bas, c'est-à-dire du monde qui aide du monde à condition de convertir le monde. Par exemple, les gens de l'ACDI leur donnent pas du riz, ils leur donnent des crucifix. Et c'est surtout ça, la force de l'ACDI. Ils développent pas juste des pauvres, ils développent Jésus dedans, les pauvres. Vous aussi prenez part au mouvement. Vous allez avoir notre bénédiction, puis après ça, des subventions. Puis des catholiques qui aident des enfants dans le besoin, là, ben ça a jamais fait de mal à personne. Oh, si vous trouvez qu'il s'attaque parfois à des sujets un peu trop légers, ben vous serez heureux d'apprendre que le grand journaliste tout-terrain Jean-Sébastien Girard s'attaque aujourd'hui à un dossier extrêmement costaud et délicat. Mais avec son éthique et sa rigueur journalistique, il devrait pouvoir en tirer quelque chose de beau et de grand. Jean-Sébastien Girard, bonsoir. Ah, bonjour Jean-Philippe Wautier, comment allez-vous? Ça va super bien. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? Parentalité? Oui, exactement. Bon, un sujet très délicat, effectivement, dont on discute beaucoup dans la sphère publique depuis les fameuses manifestations anti-mariage gay qui se tenaient à Paris il y a quelques jours. Ouais. Évidemment, à la soirée étant encore jeune, on trouve que ça n'a pas rapport, que ça n'a pas rapport que des gays élèvent des enfants. Ben oui. Bon, c'est clair. Exactement. Puis on pense qu'une vraie famille, c'est une mère trop présente et un père absent ou violent. Pas un couple d'invertis qui va poquer nos enfants parce que trop occupé à aller au salon de bronzage. Mais je ne suis pas ici pour donner mon opinion, mais pour enquêter sérieusement sur le sujet. Ouais. Alors, j'ai voulu rencontrer une véritable famille que j'ai appelée sur les réseaux sociaux, que j'ai trouvée de cette façon-là. Un appel à tous. Une famille composée de deux parents, Sophie, et de deux enfants qu'ils ont élevés seuls, imaginez-vous. J'ai voulu constater, entre autres, les stigmates que cette situation-là peut pu laisser sur les enfants. Alors, toute cette famille-là est avec moi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, alors, je commence en premier lieu avec vous, Thierry. Vous avez élevé donc deux enfants devenus maintenant adultes avec votre conjoint du même sexe. Tout d'abord, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Thierry? Je suis coiffeur. Évidemment. C'était ça, ou infirmier, fleuriste ou délégué du Québec à New York. Donc, racontez-moi un peu votre histoire tordue. Présentez-moi votre famille dysfonctionnelle. Comment ça marche tout ça? Eh bien, j'ai deux enfants. J'ai un fils qui s'appelle Maxime qui a 22 ans et j'ai une jeune fille qui s'appelle Roxane qui est 21 ans. Et on est une famille très normale, comme tout le monde, avec deux enfants qui nous ont donné tout trouble des fois et qui nous ont rendu heureux des fois aussi. Ça a l'air bien beau comme ça, mais la question qu'on se pose, évidemment, est-ce qu'ils ont certains traumatismes? Parce que, bon, à Paris, on voyait les manifestants qui scandaient « Un papa, une maman, on ne ment pas aux enfants. » Est-ce que vous avez menti à ces enfants-là? Ben pas du tout. En fait, on leur a jamais dit. C'est simple. On les a élevés. En... Fait qu'ils savent pas que vous êtes gays. Non, on les a juste élevés avec l'amour. Puis à un moment donné, ils ont compris qu'on était gays. Évidemment, la question qu'on se pose dans les chaumières, surtout dans le cas d'une cellule familiale comme ça, vous, est-ce que vous êtes l'homme ou la femme dans cette famille-là? Ni l'un ni l'autre. En fait, le couple fait les fonctions qu'il a besoin selon les besoins des enfants. Okay, bon, ce serait un mythe, mais concrètement, au quotidien, ça prend des rôles un peu plus complexes que ça. Je veux dire, par exemple, si dans la cuisine, votre robinet pète, personne ne peut le réparer. Les deux, vous devez dire « Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » Alors là, qu'est-ce que vous faites? J'imagine que vous appelez un beau plombier musclé avec lequel vous couchez après tout le monde? Non, pas du tout. C'est mon conjoint qui répare la plomberie. Et en aucun cas, on panique devant des travaux. Vous n'avez pas l'air trop foqué. Je vous trouve bien fin malgré votre gros défaut. Alors, on va aller quand même voir un peu comment fonctionnent vos enfants. Dans quelques minutes, si vous me permettez, on va rencontrer Roxane et Maxime. D'accord. À tout de suite, Jean-Philippe. Vous me faites honte, Jean-Sébastien. C'est bien fait. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Gauthier sur les ondes de la première chaîne, une émission saisonnière et québécoise qui n'aura pas droit à l'assurance emploi. Hey, des fois, je sais pas si vous vous rappelez, au début de la saison, des fois le son coupait, puis ça marchait pas. Des fois, je m'ennuie de ces moments-là avec Jean-Sébastien. C'est le moment d'avoir l'opinion d'un homme, hein, vrai. Mon Dieu. Écoutez, permettez-moi de revenir sur le texte de Mylène Moisan du journal Le Soleil qui a été publié cette semaine. Ouais. Une espèce d'analyse comparative des émissions Passepartout et Caillou. Hein. L'article a fait beaucoup jaser à un point tel que Catherine Perrin a cru bon inviter l'auteur à son émission pour en discuter, ce qui, vous l'avouerez, est une forme de consécration, n'est-il pas? Madame Moisan l'a dit d'emblée, elle est de la génération Passepartout, alors que ses fils sont de la génération Caillou. Là, je vous fais une petite mise en contexte. Elle connaît bien les deux émissions et selon elle, Caillou sanctifierait l'enfant roi, puisque Caillou est constamment entouré de ses parents qui lui obéiraient au doigt et à l'œil. Pour elle, Caillou est donc le vecteur du phénomène des Tanguy, entre autres, et ce sera aussi à cause de Caillou que les urgences sont pleines, alors qu'on sait très bien que c'est à cause du PQ. Elle se réfère... Avant, il n'y en avait pas de ça. Elle se réfère à un épisode où un ami de Caillou chute sur une racine d'arbre et se tord la cheville. La mère de Caillou demande de l'amener à l'hôpital, alors que dans Passepartout, toujours selon l'auteur, quand la dite Passepartout attrape la grippe, grand-mère lui donne un verre de jus d'orange et lui rit en pleine face parce qu'elle se plaint. Selon l'auteur, ce serait là un comportement sain. Il n'y a jamais inscrit en faux contre ce texte, et j'ai même envie de faire une espèce de Pierre Folia des pauvres de moi-même pour vous ce soir, modestement, en tentant d'aller justement à contre-courant du consensus au sujet de l'émission supposément culte qui est Passepartout, en démontrant à l'inverse de Mme Moisan que Passepartout a été au contraire le vecteur d'une multitude de plaies sociales qui ont toujours cours aujourd'hui au Québec, dans notre belle province. J'aimerais spécifier que je suis tout à fait apte à me prêter à cet exercice, puisque je suis moi-même de la génération Passepartout. J'ai même souvenir que ma mère était venue me chercher pendant que je jouais au sous-sol un dimanche pour m'installer devant TV en me disant « Fils ». On m'appelait comme ça. « Fils, regarde. C'est une nouvelle émission pour enfants. Ça a coûté une fortune en fonds publics. T'as besoin d'aimer ça. » C'était en 1977. J'avais 6 ans. D'ailleurs, à ce sujet, les gens oublient que Passepartout a été conçu d'abord comme un succès d'année à un système de prêt maternel que le gouvernement de l'époque trouvait trop coûteux à installer partout au Québec. Ce n'est pas d'hier qu'on économise sur le dos de l'éducation au Québec. Revenons-en donc à Passepartout, dû à ma fulgurante intelligence, qui, je crois, fait maintenant partie de la légende auprès de nos auditeurs. Hein. J'ai des témoignage constant de ce fait. Ouais. Je me rappelle déjà qu'à l'époque, du haut de mes 6 ans, je trouvais les relations pour le moins ambiguës entre les trois passes. Il vivait en appartement, visiblement sans parents, et ne semblait pas avoir d'emploi. Comment faisait-il pour payer le loyer? Mystère. Il n'y avait pas de mur. C'est vrai que ça coûtait pas cher de meubles, mais quand même, je me posais déjà certaines questions sur l'origine de vie. On a parlé beaucoup d'intimidation ces derniers temps au Québec, et on ne me fera pas avaler que Passepartout n'en est pas responsable. Rappelez-vous de l'épisode où André, l'ami au gros portefeuille en cuir accroché à la ceinture, passe l'après-midi chez les trois passes et propose de faire des mobiles. N'y a-t-il pas eu intimidation quand il se moque allègrement de celui de Passe-Montagne, uniquement pour tenter de séduire Pascaro, qui minaude aux alentours en gloussant de plaisir? Mais parlons-en de Pascaro. N'est-elle pas indirectement une précurseur de l'hypersexualisation des jeunes filles? En ayant une fixation sur la perte de poids qu'elle masquait sous de supposés exercices pour faire bouger les enfants. Et quand elle fait la chatte, dites-moi, monsieur le chat, où est madame chatte? Des centaines de milliers d'enfants ont intériorisé cette façon sournoise de séduire, ce qui donne aujourd'hui des jeunes de 18 à 24 ans qui se rasent le pubis en Indiana, tout ça à cause de Passepartout. Et Que dire de Zigzag? Cette drôle de bébite qui cherche ses parents, n'est-il pas là l'embryon des errements des partis souverainistes qu'on constate aujourd'hui, alors qu'ils se multiplient et ne savent plus s'ils doivent être de gauche ou de droite? Je cherche ma maman Zanzan, je cherche mon papa Zaza, je cherche mon parti Zizi. Et Madame Coucou qui tombe enceinte par l'intervention du Saint-Esprit, mais alors oui, qu'on n'a jamais entendu parler de Monsieur Coucou. N'est-ce pas là en son germe l'apologie du christianisme et de la Vierge Marie? Deux choses qu'on croyait disparues du Québec, mais qui reviennent maintenant dans nos organismes oui, canadiens oui, de coopération internationale, tout ça à cause de Passepartout. Ben oui. La morale de cette histoire, c'est que la télé est extrêmement néfaste pour nos enfants. Passepartout, Caillou, toutes les autres émissions d'aujourd'hui et du passé. Albatard faisait l'apologie de l'alcoolisme. Candy faisait l'apologie de brailler pour rien. Les Télétobies font l'apologie de l'ecstasy. Cornemuse fait l'apologie de la zoophilie. Non, vraiment, la télé est néfaste. Écoutez donc la radio, c'est beaucoup plus simple. Ah, ça, c'est vrai! Hey, boboy! Hein? Et le moment qu'on attendait tous, Jean-Sébastien. Ah, Jean-Philippe, oui, de retour dans cette famille composée de deux enfants et de deux papas. Évidemment, on sait quelle émission, ça n'a pas de bon sens que des enfants soient élevés par des guélons là. On a parlé avec Thierry, le papa coiffeur, il y a quelques questions maintenant, avec son fils qui s'appelle Maxime. Il a 22 ans. Bonjour, Maxime. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Sans doute, tu as probablement vécu une enfance épouvantable. Qu'est-ce que tu retiens essentiellement de cette enfance gâchée? Sérieusement, l'enfance que j'ai passée était pas très différente de l'enfance des autres jeunes que je connaissais avec moi. Tu sais, la première blonde, le premier bec, la première peine d'amour, ça s'est passé pas mal pareil, sérieusement. Mais dans les faits, que concrètement, t'as quand même gardé des petits stigmates, des petits effets secondaires. Est-ce que, par exemple, t'aimes beaucoup Chris? Est-ce que quand tu viens de travailler, tu t'achètes des fleurs coupées? Est-ce que t'aimes beaucoup écouter Paquet Voleur, des choses comme ça? Bien sûr à dire, mais ils m'ont fait découvrir Chris, ça c'est vrai. Rendu là, par exemple, non, aucun stigmate. Peut-être le seul que je peux que je me rappellerai là, c'est que tu veux pas avec le temps, t'apprends à saisir le monde. Il y a des gens, justement, qui sont vraiment agressifs envers l'homosexualité, qui sont souvent défensifs. Ils vont avoir des comportements qui n'ont pas d'allure envers toi. Ça veut pas que ces gens-là t'apprennent à les mettre de côté. Tu veux pas, t'as pas le choix finalement de filtrer le monde. Tu veux pas avec le temps. Mais vous avez l'air étrangement équilibré et vous avez l'air surtout hétérosexuel en fait pour le moment. Thierry, je veux savoir comment vous avez accepté l'hétérosexualité de Maxime. Est-ce que c'est quelque chose qui s'accepte d'emblée ou ça vous écœure qu'il amène des chics à maison? Ben, Maxime, dès l'âge de 4 ans, nous a annoncé qu'il était hétérosexuel parce qu'il est venu nous voir en nous disant ben, papa, j'aimerais pas les garçons. Je vais aimer les filles. Alors, depuis toujours, on a toujours su que Maxime allait être hétérosexuel. On est bien heureux de ça. Ah oui? Heureux? Vous auriez pas aimé ça que ce soit gay? Ben, ça m'aurait pas dérangé non plus. Bon, écoute, vous avez pas l'air malheureux, tout le monde. Évidemment, il nous reste votre fille à sonder. On l'espère un peu fuckée. On vous revient donc, Jean-Philippe, dans quelques secondes. Ben oui, mais ils ont de l'air heureux. C'est terrible. Hein, c'est bon, vrai? Puis il y a même pas de David de Michel-Ange dans la maison. Ben voyons donc. Merci, Jean-Sébastien. Continuez votre enquête. OK, bye-bye. Fred, notre deuxième invité. Diplômé des HEC et de l'Université de Grenoble, il est maintenant professeur de comptabilité à l'UQAM et blogueur au Journal de Montréal, ce qui fait de lui un authentique humoriste. Accueillons M. Léopold Lauzon. Merci. Hey. J'ai tellement été... je suis tellement excité par le hockey que j'ai oublié d'offrir de la bière, que ce soit au ministre de l'Environnement. Est-ce que vous voulez une bière? Ben, pour deux bonnes raisons. Un, parce que tout le monde en parle, il offre du vin. Ouais, moi, je ne suis pas invité à tout le monde en parle, fait que je peux prendre une bière ici. Et aussi, c'est que l'eau en bouteille, c'est extrêmement néfaste. Pour l'environnement? Tandis que la bouteille de bière... Ah, moi, je la réutilise. Hein? Je la mets immédiatement dans la poubelle. Il y a des substances toxiques là-dedans. Là. Éventuellement, il va te pousser des affaires. Arrêtez donc. Et M. Lauzon? Ah oui, une bière. Non, on est entre amis. Je vais même en ouvrir une. Puis je vais la verser dans la bouteille de plastique vide. Ben, ça va être délicieux. Ça donne un certain c'est charme. Ça. Je vais faire ça. Monsieur Lauzon, évidemment, comptable émérite, on savait ça depuis des années. Hein? Maintenant, humoriste. Faut pas choirier non plus. Ben là, moi, je suis vieux. Moi, j'ai 33 ans. Et Léopold Lauzon, je le connais depuis que ma mémoire retient des choses. Et ça fait quand même assez longtemps. Ça fait quasiment 2 ans, 3 ans. Et je suis un dinosaure. Ben, non, ben, en même temps, vous allez bien vous entendre avec M. Blanchet, qui est au PQ. C'est plein de dinosaures là-dedans, il paraît. C'est vrai. Là, évidemment, vous faites l'actualité ce temps-ci. Ben, premièrement, vous êtes un peu partout. Journal de Montréal, Radio X... et là, vous démarrez un spectacle d'humour. Mm-hmm. Vous allez m'expliquer là comment ça fonctionne. Bon, ça va-tu bien? Vous avez-tu beaucoup de spectacles? Est-ce que vous avez des supplémentaires? Avez-vous des dates pour nous? Ben, là, ce que j'ai fait, moi, ça fait peut-être 30 ans que je prononce des conférences en économie, en finance, sur les politiques gouvernementales. Et puis, bon, c'est comme c'est quelque chose qui n'est pas très accrocheur, dans mes conférences, j'ai toujours mis un peu d'humour, des blagues, etc. J'en ai ramassé au fil des ans parce que je fonctionne avec des acétates et puis des découpeurs de journaux. Ben oui, des acétates. Oui. C'est dur à... Ah ben, pas vous aussi, là. Danny Turcotte m'a traité de dinosaure technologique. Premièrement, on je vais vous répondre la même Danny chose. Turcotte. J'aime mieux être un dinosaure électronique qu'un fossile intellectuel. Mais moi, ma question, c'est vous voyagez beaucoup. Là, je regardais vos vidéos d'humour et je vous voyais avec vos acétates dans vos vidéos d'humour. Quand vous allez à Cuba, par exemple, ça doit prendre des méchantes valises. Non, parce que, bon, j'apporte mes acétates dans un sac à dos, ça se met. Mais tout ça pour dire, c'est que là, étant donné que je veux étendre, quand on est socialiste, je suis socialiste, on n'a pas les tribunes qu'on a, exemple, quand on est de l'Institut économique de Montréal ou quand on est de Cyrano ou quand on est un Lucide, bien, je me suis dit, je vais essayer d'avoir un nouvel auditoire et de faire de l'humour. C'est sûr que j'ai un créneau en termes humoristiques. J'aurai jamais une grande clientèle comme peuvent avoir Jean-Marc Parent ou McLeod ou Mike Ward parce que c'est socio-économique. Mais je me dis, j'en ai eu une à Montréal où j'ai eu 200 personnes. À Québec, il y a eu 100 personnes Ils ont moins de sens de l'humour à Québec. Non, mais ils ont beaucoup de sens de l'humour. Prof Lauzon, lâchez l'humour pour aller en politique. Je disais, vous avez essayé en 2006 là, à Outremont pour le NPD. Oui. Vous avez perdu assez fâchant parce que pas peu longtemps après, là, il y a M. Mulcair pour la même bannière qui a été élu. Mais je lui ai dit, c'est ça que je lui ai dit. Je n'étais que le précurseur. Vous avez le chemin qui annonçait plus grand que lui, annonçait son cousin. Comme le gars avant Jésus. Ben oui, c'est ça. Comme le gars avant Jésus. C'était qui le gars avant Jésus? On l'oublie, par exemple. C'est ça qui est maudit. On le fait à chaque année. Il y a eu son cousin Jean-Baptiste, mais il y a eu plusieurs prophètes avant Jésus. Ah oui, ben oui. Je lis votre blog de temps en temps, puis j'ai une impression. C'est-tu moi, vous ne tripez pas sur le PQ? Je le disais là, mais vous reprochez au PQ de ne pas taxer suffisamment, bon, dégorger la classe moyenne, d'avoir reculé sur les hausses d'impôts aux compagnies, d'avoir reporté plus tard l'augmentation des redevances minières, de manger dans la main des ministères des gazières, d'avoir coupé 550 millions en santé, de nier le sous-financement. Mais à part ça, c'est-tu correct le reste? Ou Non, mais écoutez, chat et chaudé, craint l'eau froide. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, il faut faire confiance, il faut donner la chance aux coureurs. Il y a du nouveau sang au Parti québécois. Il y a Martine Ouellette, il y a M. Blanchet, il y a M. Breton, il y a Pierre Duchesne, il y a Léo Blouin. Mais l'ancienne gang du Parti québécois, qui était composée de Garon, Brassard, Facal, Chevrette, etc. Ben voilà, mais une chance qu'on n'a pas fait la souveraineté avec eux autres, parce qu'on serait devenu le 51e État américain. Ben voyons donc! Ben voyons. Mais oui, mais je vous écoute, regardez ce qu'ils proposent, ce que ces gens-là proposent. De modérer à côté de vous, je trouve ça fantastique. Ben oui, c'est ça. Vous feriez un bon ministre de l'Environnement, vous. Non, mais je sais aussi que vous traitez, et parce que je vous le dis, je vous non, suis. Non, mais on ne peut pas dire que Chevrette, Brassard, Facal, Bouchard, c'est des progressistes. Il reste Pauline Marois. Moi, je n'ai pas une immense confiance à elle. Mais non, vous l'appelez la châtelaine. Elle n'a même plus de château. Elle va avoir un condo. Ouais, appelez-le la Condelaine. Un condo à 3 millions. Ben ouais, ben là, tout le monde a un petit condo. Je dis, il coûte combien votre condo, frère? Je le dis pas en 2 millions et demi. Tout le monde a un condo à 3 millions. Là, on commence pas je suis un Condelaine. Je félicite le succès légitime, par contre. M. Lauzon, c'est parce que je trouve qu'on n'a pas encore assez approfondi l'humour. Là. À part la bière, vous n'avez pas des fines épices, des fines herbes à leur offrir? De loin qu'ils vont me trouver drôle. Oui, ça, c'est après l'émission. Oui. Je vous rappelle. Pas pendant. C'est fines herbes et acétate, là. humour efficace. En fait, tu roules tes fines herbes avec ton acétate. Voilà. Laisse-moi te dire. Les émanations, quand tu restes bête, après, tu restes bête. Chose. Vous avez dit tantôt, Prof Lauzon, que vous faisiez dans l'humour drôle. J'ai entendu dire ça. J'aimerais ça que vous nous fassiez. Vous donnez un exemple. Une blague, là. Une blague. On veut une blague. Bon, nous, on n'est pas une émission d'humour, fait qu'il faudrait pas se surprendre là, que les gens comprennent pas. Mais allez-y. Oui, mais là, c'est difficile. Une blague, exemple. Ouais. Là, bon, ouais. On a vu que peut-être que Denis Coderre ou Gilbert Rozon vont se présenter à la mairie de Montréal. Ouais. Ben là, je me suis dit, bon, on n'aura plus rien à envier à Québec. Ou, exemple, quand comment il s'appelait le courant de Villeneuve qui a dit aux étudiants durant la grève, retournez donc à l'école. Ouais. Moi, je lui ai dit, ben toi, commence donc par y aller à l'école. Ben, je suis obligé de dire que c'est quasiment tentant. Prof Lauzon, vous restez avec nous. Ah, mais, ça vous tente de venir, hein? Le ministre Blanchet pourri. Mais je pensais. Mais il n'est pas ricaneux. Ben, ce que je pensais, c'était que le problème n'est pas tant les journalistes que les chroniqueurs qui font l'économie de l'information pour garrocher des sous. Ben, je dis pas que c'est votre cas, là. Je dis pas que ça l'est pas, je dis pas que ça l'est. Mais il y a quelques chroniqueurs qui nous amènent dans des excès, dans des délires, dont le but est de faire du tirage puis de vendre de la pub sans aucune considération, d'un, pour l'information, et de deux, pour le véritable métier de journaliste. Ben oui, puis en plus, ce qui me fait penser... mon Dieu, on a entendu crier. Ce qui me fait penser que vous m'avez déjà traité de nono à radio, vous. Mais on en reparlera. Oui. À Radio X, là, parce qu'on avait fait un petit reportage au franc-tireur sur Radio X, puis là, vous m'avez traité tous les noms. Mais j'en ai pas parlé, parce que je suis comme ça, je suis une bonne âme. Je pardonne. Vous consommez trop. Ouais, non, je pardonne. On fera jouer ça la semaine prochaine. Ah, lui? OK, parfait. Ouais. Non, vous restez avec nous, s'il vous plaît. Fred, notre prochain chroniqueur. Avec le temps qu'il passe à écouter la radio démagogique québécoise, il devrait avoir droit à des indemnités de la CSST. Voici la chronique d'Olivier Niquel. Vous étiez, dans les apartistes, vous, Fred? Oui. Ah, c'est ça. Dans le temps que c'était bon. Ah oui. OK. Bon. OK. On va gérer des plaintes la semaine prochaine. Allez-y, bien. Ben, une autre grosse semaine pour les Autochtones qui ont bloqué des tracts de chemin de fer dans l'espoir de faire respecter leurs droits. Non, mais sont-tu effrontés, pareil, hein? Ils devraient pourtant se contenter des mêmes droits que nous, puisqu'ils ont adopté notre mode de vie, comme l'expliquait Stéphane Gendron sur les ondes de VTL. Ces gens-là se réunissent dans un hôtel, ça veut dire qu'ils acceptent notre mode de vie. Ouais. Ils se réunissent pas dans des tipis à l'île Victoria, je comprends pas. Et Stéphane Gendron sait de quoi il parle, puisque sa tribu ne se réunit plus dans des cavernes depuis belle lurette. Pour rester dans le domaine des tipis, on apprenait cette semaine que les profits du pétrole d'Anticosti devront peut-être être partagés avec les Inuits de la Côte-Nord. Hein? Une situation très choquante pour Sylvain Bouchard, le comptable désagrégé et un peu simpliste du FM 93. On estime à l'île d'Anticosti à 31 milliards de barils. Le baril se vend environ 100$. Donc, on aurait une valeur totale 3100 milliards de dollars. Hein? Ça veut dire 93 milliards aux Inuits de Natashquan. Ils sont 1000! Savez-vous, ça fait combien par personne? 93 millions. Eh oui, ce grand défenseur du millionnaire et de l'orphelin devrait pourtant être content. 1000 multimillionnaires de plus au Québec, ça va compenser pour tous ces riches qui sont partis vers le paradis fiscal ontarien. En tout cas, ces nouveaux riches pourront sûrement se payer un bon spaghette à la Cantina, un restaurant à tendance mafieuse qu'aurait déjà fréquenté notre bon maire Applebaum. Écoutons un habitué de la place, Jean Lapierre. Tu sais, par exemple, si on avait une image, moi, je sais pas, de M. Rizzuto, avec une copie du Devoir, on dirait Le Devoir, le journal de la mafia? Non, mais c'est sûr que c'était le restaurant de Vito Rizzuto, là. À l'époque, sauf qu'aujourd'hui, s'il faut arrêter d'aller dans les restaurants liés à la mafia, on n'aura plus grand choix. Ça se pourrait-tu que Jean Lapierre ait participé à trop de soupers du Parti libéral? Pensez ça. D'autre part, on a fait grand cas cette semaine des conclusions de Vincent Gélozo de l'Institut économique de Montréal qui nous annonçait que Duplessis, ben, il était pas si pire que ça, finalement. Bon, il était un petit peu parano avec les communistes, un peu corrompu aussi, mais pour ce qui est de l'économie, il était très bon pour ne rien faire. Je t'ai entendu dire grande noirceur plusieurs fois, puis je pense que c'est le temps qu'on raye ça, puis qu'on remplace ça par grand rattrapage, là. Ce qui est important de réaliser, c'est que Duplessis, là, il n'a pas fait ces changements-là. Ça a commencé parce que c'était permis et que l'État intervenait très peu, mettait pas de barrière dans les pattes des gens. Et c'est pour ça que le progrès a commencé et a commencé à ralentir tous ces progrès-là pendant la Révolution tranquille. Voilà. Oui, voilà. Plus tu fais rien, plus tu progresses. Oui. Ça veut dire qu'on pourrait élire n'importe quel douchebag pour que le Québec devienne la première économie mondiale. Avec la possible candidature d'Hubert d'Occupation double chez les conservateurs, on est bien parti. C'est peut-être aussi la stratégie d'un gars qui tripe pas trop sur l'État comme Adrien Pouliot, candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Lui qui a une définition très peu inclusive de la droite. pour avoir passé, comme je vous dis, une après-midi complète avec François Legault, j'ai conclu que François Legault, c'était quelqu'un de la gauche. Non, mais ça met les choses en perspective. Hein? Il y en a même qui viennent de se rendre compte qu'il était communiste, hein, Fred? Terminons avec une petite nouvelle de hockey, parce que dans le fond, c'est juste ça qui nous intéresse. Ouais. Certaines personnes ont dit que Canadien a tenté d'acheter les partisans avec des retours gratis. Ben voyons donc, c'est bien plus efficace d'acheter les journalistes. Écoutez attentivement Tony Marinaro de TSN Radio et Jean-François Chaumont du Journal de Montréal qui parlait du responsable des communications de Canadien alors qu'il croyait leur micro fermé. Dominique m'a dit, c'est à toi, Tony. Là. Si jamais le show est positif, là, si le show est positif, puis on va venir du Canadien, on va te donner un bonbon. Ah ben, sois positif avec Canadien, puis on va te donner un bonbon. Non, mais quand même, on peut pas blâmer les journalistes d'accepter, là. Après avoir léché des culs, les bonbons, c'est essentiel pour garder une haleine fraîche. Oh! Merci, merci, Olivier. Bon. Mais je pense qu'une nouvelle idole est née puisque notre porte-parole maison revient une dernière fois ce soir dans une publicité. Ah ouais. Question de nous sensibiliser à une grande, grande pauvreté qui se déroule tout près de chez nous. On écoute. Attention, je suis glorieux. Depuis que je suis allé à la pratique gratis de Canadien, je me suis senti comme au Burkina Faso, mais avec pas de piqué sous banne. Tout ça avec ce que j'ai vu là-bas, c'est-à-dire du monde qui aide les plus pauvres à farmer le gueul en leur donnant un hot dog, un chip puis une liqueur. Et c'est surtout ça la force de Canadien, c'est comme le tiers-monde. C'est des millionnaires qui pompent de l'argent aux plus pauvres pour leur laisser des miettes après. Moi, mon rêve, là, c'est qu'un jour, au lieu de juste donner des hot dogs à leurs partisans, là, ils leur montrent comment les faire pousser. Vous aussi, vous faites partie du mouvement. Réveillez-vous! Ben, moi, je trouve que c'est de mauvais goût. Go Canadien. Hein. Ah, mais hein. On s'en va gagner la coupe. Jean-Sébastien Girard, êtes-vous encore là? Oui, toujours de retour à deux hommes et deux couffins. On a parlé à un des deux papas, au fils, et là, on va parler maintenant avec la fille qui s'appelle Roxane, qui a 21 ans. Oui. Bonjour, Roxane. Bonjour. Alors, on a parlé précédemment des inconvénients pour un fils d'avoir deux papas, mais pour une fille, on imagine que c'est moins pire. Hein? C'est sûrement plein d'avantages d'avoir deux papas gays, genre emprunter leur robe, apprendre à mettre du cutex, des choses comme ça. Ben écoute, en fait, si j'aurais eu deux papas drag queen, ça aurait été le cas. Mais malheureusement, non, j'ai pas pu profiter de ces avantages-là. Ah, ben, c'est bête, hein? Et là, ce qu'il y a de beau, c'est que vous êtes enceinte. Alors, ben tout d'abord, on vous félicite. Et on veut savoir, est-ce que ça va être un petit gay ou une petite lesbienne? Ben j'ai pour mon dire que mon fils a autant de chance d'être hétéro ou homosexuel que la voisine qui est enceinte à côté. Puis s'il l'est, ben j'ai aucun problème avec ça. La voisine d'à côté est enceinte? Oui. Mais là, l'affaire, Thierry, c'est que vous devez être folle comme de la merde de devenir un grand-papa, une espèce de grand-papa-bi. Est-ce que vous avez commencé à acheter des cadeaux, genre des petites couches en cuir ou des choses comme ça? Pas du tout. Je suis un grand-papa comme les autres, juste bien content d'être grand-père. Cette famille-là me semble quand même assez fonctionnelle. Jean-Philippe, j'espère que vous trouvez du monde un peu plus poqué pour la semaine prochaine. Ben oui, mais en tout cas, on comprend pas. Hein? Mais vous avez brisé les tabous, Jean-Sébastien. Merci encore je une fois. Je suis là pour ça. Ben oui. Au revoir, Fred. Au revoir. Fred, notre prochain chroniqueur. Après nous avoir offert les mots proscrits à l'Assemblée nationale la semaine dernière, il récidive en nous présentant les expressions taboues à la Chambre des communes. Voici le billet de Jean-Philippe Cipriani. Eh oui! Eh bien, on a appris effectivement qu'il y avait plein de mots qui existent, en fait, qu'on ne pouvait pas utiliser. Excusez, c'est le gérant d'Hugo Lapointe, ça? C'est l'ancien. C'est l'ancien. comme quoi, il n'y a pas juste du succès. OK. Non, mais c'est la semaine dernière, vous avez épluché le décorum de l'Assemblée nationale. Oui, oui, oui. Hein, et cette semaine, qu'est-ce que vous avez pour nous? Bien, vous savez que Stephen Harper était de passage à Radio-Canada lundi pour faire une conférence de presse devant le décor de dans l'œil du dragon. Ah oui? Oui, d'ailleurs, selon mes sources, il n'y a aucun dragon qui a voulu investir dans ces projets de loi. Il disait tout que c'était pas bien vendeur. Mais en tout cas, son entourage est venu me voir pour nous rappeler que notre show est quand même diffusé d'un océan à l'autre, là, de où ce qu'est une marée, où ce qu'elle est la marée, là, comme ils disent. Ouais. Et comme notre mandat d'émission d'information crédible et sérieuse inclut aussi le nation building, ben il fallait aussi parler du fédéral. Puis c'est bien maudit parce qu'eux autres, ils n'en ont pas de liste officielle. Fait que j'ai été obligé d'aller à la bibliothèque puis de travailler. Savez-vous ça, Vautier, que quand vous êtes à Ottawa, faut que vous portiez un veston, une chemise, une cravate, pas de col roulé, puis pas de lavalière, là, l'espèce de gros nœud papillon effiloché. Là. Ouais. Mais exception, les cols ecclésiastiques pour les prêtres sont permis. Avec les programmes de l'ACDI, on comprend tout à fait pourquoi. Le kilt aussi, les uniformes d'armée, et on suppose les chapeaux de reine. Ah oui! Ouais, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'on peut dire et pas dire? Parce que c'est ça qui était drôle la semaine passée. Ben, c'est ça. Ben... Ben, la référence, c'est le livre d'Arthur Beauchesne qui nous donne les 106 affaires qu'on ne peut pas dire à un député à la Chambre des communes. Okay. Et ça commence avec A pour le mot « as », que le livre traduit par « âne ». On a un peu l'impression que c'est Elisabeth May qui a traduit le livre. On ne peut pas dire non plus « pervert » pour dénaturer, pas le droit de parler des déboires matrimoniaux, notamment de Vic Taze. On ne peut pas avoir de « latitude ». Dans le sens de « je m'en fichisme », très belle traduction. Okay. Voilà pourquoi on tape sur les doigts de Jonathan Jourdain quand il se coiffe en chambre. Hein? Ah oui, l'attitude, on s'appelle là. Ouais. On ne peut pas accuser de « bullshit » non plus. Ça, ma traduction pour Ruth-Hélène Brosseau, c'est de la merde de taureau. Hein? C'est dommage parce que c'est l'expression favorite de Thomas Mulcair quand il entend le ministre Denis Lebel. Bon, bien sûr, mentir, menteur, mensonge, cheap, mesquin, crook, escroc, tout ça... Pas de guts, on peut pas dire ça, pas de courage, ça n'a aucun lien, semble-t-il, avec Denis Coderre et son avenir politique. Ah. On n'a pas le droit de dire meurtrier depuis octobre 70. Hein? Ah ouais? Ouais. Je sais pas pourquoi. En tout cas. Okay. Mussolini non plus, on n'a pas le droit de traiter quelqu'un de Mussolini ou de nazi. Et le mot fuck est interdit. Fuck, pas avec un F, là, avec un P, comme Brigitte Bardot. Là. Pour vrai? Comme fuck savant, là, comme Maxime Bernier. Mammouth aussi, je pense que c'est interdit. Ouais. Pas de colonne, spineless, on n'a pas le droit de dire ça non plus. Ce qui, m'assure-t-on, n'a aucun lien avec le Bloc québécois. OK. Et. Et supercherie aussi, ce qui permet notamment à Jim Flaherty de réformer l'assurance-emploi en toute tranquillité. Sournois, l'antithèse de Marc Garneau aussi, c'est interdit. Et d'autres mots comme démagogue, malhonnête, hypocrite, idiot, que je vous laisse associer à la personne de votre choix. Merci beaucoup. Ouais. Mais il y a des expressions qui ont été jugées parlementaires quand même, qu'on peut utiliser. Là. Ben, c'est ça qui est le fun. Il y en a mis 58 qu'on a le droit d'utiliser. Juste 58? Ça laisse peu de jeu. Ben, tu sais, ouais. Qui est un peu limite. Là. Ouais. Induire en erreur, tromper, injuste, malhonnête, faux, fraude, eux autres, ils ont le droit. Okay. Cynique aussi, fait que vous êtes correct. hypocrite, mauvaise foi, etc. Mais ah, préféré, là, moment d'aberration mentale. Ça a été écrit et permis. J'ai plein de noms qui me viennent en tête, mais la chronique dure juste 4 minutes. On a le droit aussi de dire à un ministre qui est arrogant, qui est une brebis galeuse, qui a fait du chantage, du camouflage, des clowneries ou des bouffonneries, bref, tout ce qui permet tous les jours à Stephen Blaney, Jacques Gourde d'avoir le droit de parole. Et on a le droit de dire aussi aux candidats à la direction du Parti libéral qui sont faunés. Ouais, ça, on a le droit. Ouais. Obscène, porc, scandaleux, séparatiste, tout ça, c'est permis. Et... séparatiste, particulièrement. C'est mon jeu préféré. Effectivement. Et finalement, ashamed, honteux, comme quand on peut rencontrer le premier ministre après avoir frenché dans un spa dans une télé-réalité. Ouais, oui. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci énormément. C'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute. Évidemment, vous le savez, c'est le cabaret, puis on est de fou, puis on lit. Ensuite, c'est Bande à part, animé par Alex Courteau. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Jean-Sébastien Girard quand même, Valentine Ticotte, Jean Gagnon, Steve Côté, Phil Roberge. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Monsieur le ministre de l'Environnement, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance et bon travail. Vous avez de la job, j'ai l'impression, en tout cas, jusqu'aux prochaines élections. C'est-à-dire... Au mois de mars. OK. On s'en donne un peu et plus. Et prof Lauzon, c'est quand vos prochaines dates de spectacle qu'on aille vous voir? Mais ça va être cet automne à Trois-Rivières, à Sherbrooke et à Gatineau. Puis à Montréal? Bien, ça va aller à l'automne prochain parce que je ne suis pas humoriste à temps plein. Comme vous le savez, je suis prof à l'Université du Québec à Montréal. Dispense. Je suis blogueur, je suis chroniqueur. Tu pas en faillite, ça, Lucam? Hein? Non, OK, bon, c'est pas grave. On va vous voir, on va vous voir à l'automne. Un gros merci à tout le monde. Si vous voulez nous réécouter, évidemment, la balado est disponible sur notre site web. Et la semaine prochaine, on enregistre jeudi 17h nos invités Alexandre Boulris du NPD et Sylvie Roy de la CAQ, une communauté de pensée qu'on appelle. Ouais. Alors, ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Yeah!